Today, I would like to talk about protection. We all seek protection in our life. We want to have a life that is protected. And we do much to protect ourselves in life. We buy insurance, for example, to protect against potential dangers. We build walls, we build fences to protect against dangers. So, whose life is really protected? This is the question. Aujourd'hui, je vais vous parler de la protection. Nous souhaitons tous être protégés et nous faisons tous tout pour cela. Nous prenons des assurances, nous construisons des abris, des murs. Nous essayons d'échapper au danger de toutes sortes de façons. Qui est cette personne qui n'est pas protégée? Le roi Pasenadi se trouva un jour en présence du Bouddha et il lui dit « Seigneur, la vie de quels êtres est sans protection ?» Cette pensée m'est venue. Tous ceux qui font le mal, que ce soit par le corps, par la parole ou par l'esprit, leur vie est sans protection. Il peut y avoir une armée d'éléphants, une cavalerie, des chars ou une infanterie pour le garder. La vie de ces gens-là est cependant sans protection. Comment cela se fait-il? C'est parce que cette protection dont il bénéficie est externe, elle n'est pas interne. Et le roi ajouta, « Celui qui fait le bien, que ce soit par le corps, par la parole ou par l'esprit, la vie d'une telle personne est protégée. Comment cela se fait-il? Même si cette personne ne bénéficie pas d'une armée d'éléphants, d'une cavalerie, de chars ou d'une infanterie pour le protéger, sa vie est cependant protégée parce que le type de protection dont elle bénéficie est interne, elle n'est pas externe. Et le Bouddha répondit au roi, « C'est exactement cela, grand roi, c'est exactement cela. » Il énonça alors un vers, « Quiconque fait le mal par le corps, par la parole ou par l'esprit, sa vie est sans protection. » Il est donc bon d'être protégé au niveau, par la parole, par le corps et par l'esprit. Celui qui est toujours protégé, qui a toujours en lui iri et otapa, la honte et la crainte de mal se conduire, est vraiment protégé. Celui qui donc fait des actions négatives, nuisibles, est sans protection. Celui qui fait des actions positives est protégé. Il faut maintenant comprendre en quoi consistent les actions nuisibles et les actions positives. Les actions négatives qui vont rendre notre vie non protégée sont le fait de tuer, le fait de voler et le fait de se méconduire sexuellement. Au niveau de la parole, les actions négatives qui mènent donc à une vie non protégée sont le fait de mentir, de prononcer des paroles dures, la calomnie et de prononcer des paroles inutiles. Au niveau de l'esprit, les actions nuisibles consistent à avoir l'intention de voler, de prendre ce qui n'a pas été donné, avoir des intentions de cruauté et avoir les vues fausses. Il est très probable qu'il n'y a personne ici qui est un meurtrier. Vous comprenez tous dans une certaine mesure que le fait de tuer est quelque chose de négatif. Mais il arrive bien souvent que les gens ne comprennent pas que certaines actions sont négatives. Il est donc très important de comprendre pourquoi certaines actions sont négatives pour pouvoir s'en abstenir. Prenons par exemple le fait de tuer. Il faut comprendre les conséquences d'un tel acte. Nous devons savoir ce qui va nous arriver si nous tuons. Nous aurons sans doute des regrets. Nous regretterons d'avoir tué. Nous allons donc nous blâmer nous-mêmes. Nous allons être critiqués par les autres. Les autres vont nous blâmer, et tout particulièrement les sages. Et enfin, nous serons peut-être poursuivis en justice pour cet acte nuisible que nous avons commis. Nous serons peut-être arrêtés, et de toute façon, les amis de cette personne que nous avons tuée va probablement vouloir se venger. Donc, il y a le blâme par soi-même, le blâme par les autres et le fait d'être poursuivi en justice pour l'acte négatif que nous avons commis. Il y a toutes sortes de conséquences négatives qui vont forcément apparaître si nous faisons des actions négatives. Et ceci est vrai dans l'immédiat, nous allons devoir subir les conséquences de nos actes dans l'immédiat, mais également dans le futur. Nous comprenons la loi de cause et d'effet. Ces actes négatifs amènent toujours des effets négatifs. Sachant tout cela, nous allons éviter de mal nous conduire. Nous allons éviter ces actions négatives. Nous aurons peur des conséquences qu'amènent de tels actes et nous serons honteux de les avoir commis. Nous serons dégoûtés par ces actions négatives. Ces deux facteurs, la peur et la honte, sont en fait la compréhension des désavantages qu'amènent les actions négatives. Et ceci aura pour conséquence que nous allons essayer de les éviter. Ces deux facteurs, la peur et la honte de mal se conduire, sont appelées les gardiennes du monde. Ces gardiennes du monde vont nous empêcher de commettre des actions négatives. Elles vont ainsi nous protéger au niveau individuel, mais également la société, le monde tout entier. Une autre façon d'éviter de mal se conduire, c'est de se mettre à la place des autres et de comprendre que ce que l'on s'apprête à faire aux autres, on n'aimerait pas qu'on le fasse à nous-mêmes. Donc on comprend que cette action n'est pas quelque chose de positif pour nous et donc on comprend que ce ne l'est pas non plus pour les autres. C'est une autre façon d'éviter de mal se conduire. Se mettre à la place des autres et comprendre qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse ce qu'on s'apprête à faire aux autres s'appelle satya en pali. Si nous comprenons que certains actes ne sont pas positifs, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres, on comprend que ce n'est pas juste de se comporter ainsi. On peut réfléchir à toutes ces actions négatives, non seulement tuer, mais également voler. On peut se mettre à la place des autres et on comprend tout de suite qu'on n'aimerait pas qu'on nous vole nos possessions et donc les autres non plus n'aiment pas qu'on leur vole leurs possessions. Avant de s'engager dans une action, on va réfléchir et on va se poser la question de savoir si cette action est nuisible ou pas. Si elle est nuisible, on le comprendra, on se mettra à la place des autres, on comprendra que eux non plus n'aimeraient pas subir ce traitement, que les conséquences d'une action nuisible comme celle-là va amener le blâme par soi-même, le blâme par les autres, le désir de vengeance de la part des autres, la crainte d'être poursuivi en justice et les conséquences karmiques de cet acte. Tout cela sont des conséquences négatives qui vont avoir pour effet qu'on va s'en abstenir. Et donc je répète encore une fois, les actions négatives par le corps, c'est le fait de tuer, de voler, de se méconduire sexuellement. Les actions négatives par la parole, c'est le mensonge, les paroles dures, la calomnie et les paroles inutiles. On comprend facilement en quoi consiste le mensonge et les paroles dures, mais on ne comprend pas toujours très bien en quoi consiste la calomnie et les paroles inutiles. La troisième façon de se méconduire au niveau de la parole, c'est la calomnie. Mais en fait, le mot calomnie ne recouvre pas vraiment la signification du mot pali. Dans les textes pali, on explique que par calomnie, on veut dire prononcer des paroles qui vont amener la discorde, qui vont séparer les gens. Imaginons par exemple qu'il y ait là deux amis. J'aimerais séparer ces deux amis de façon à ce que je puisse moi-même bénéficier de leur amitié. Je vais donc aller chez le premier, lui raconter des choses qui ne sont pas vraies à propos de son ami. Je vais ensuite me rendre chez le deuxième, je vais lui raconter des choses qui ne sont pas vraies non plus, et de cette façon, ils vont commencer à se séparer. Les paroles inutiles, donc c'est la dernière façon de se méconduire au niveau de la parole, consistent à prononcer des paroles qui n'amènent aucun bénéfice, ni au niveau matériel, ni au niveau spirituel. Nous qui sommes ici, nous respectons ci-là les préceptes moraux. Nous prenons plus que les cinq préceptes, mais ces cinq premiers préceptes sont ceux que nous venons de décrire, donc le fait de tuer, le fait de voler, le fait de se méconduire sexuellement, le fait de pratiquer la parole incorrecte et le fait de prendre des intoxicants. Nous respectons donc les préceptes moraux. Les personnes qui respectent ci-là la moralité vont pouvoir vivre en paix, tout simplement parce qu'ils vont éviter les conséquences négatives qu'amènent les actions négatives. Donc le fait de respecter les préceptes moraux va nous protéger contre toutes sortes de problèmes. Si on respecte les préceptes moraux, si on prend l'habitude de respecter ci-là, on va très vite comprendre que cela amène la paix. On va prendre goût à cette paix, on va l'aimer de plus en plus, et ceci va nous encourager à continuer à respecter les préceptes moraux et à faire de plus en plus d'actions positives plutôt que de se laisser aller à des actions négatives. C'est en tout cas de cette façon que moi je le ressens. Nous ne sommes pas les seuls à être protégés par ci-là. Si nous respectons les préceptes moraux, nous serons nous-mêmes protégés, mais nous allons en même temps protéger les autres. On gagne donc des deux côtés. Le respect des préceptes moraux est positif pour soi-même et pour les autres. Et on va devenir de plus en plus sensible au bien-être des autres, et donc tout naturellement, la bienveillance à l'égard des autres va se développer. Dans les textes, on parle de Sila et de Panya, la moralité et la compréhension ou la sagesse, comme de deux mains. Lorsque nous nous lavons les mains, une main va frotter l'autre. Elles se soutiennent donc mutuellement. C'est ainsi que Sila soutient Panya et Panya soutient Sila. Ici, dans le cadre de cette retraite, nous n'allons pas seulement prendre cinq préceptes, nous allons en prendre trois supplémentaires. Nous allons nous abstenir de nourriture solide l'après-midi, nous allons nous abstenir de distractions comme écouter la musique, danser, chanter, s'embellir le corps, et nous allons éviter l'usage de lits ou de fauteuils luxueux. En plus de cela, le troisième précepte, celui qui demande de s'abstenir totalement d'activité sexuelle, est plus strict que dans le cadre des cinq préceptes. Donc, c'est un niveau de moralité supérieur, plus raffiné. Et ceci va nous permettre de développer facilement notre concentration, notre samadhi. Il est très bon de respecter les préceptes moraux et de les maintenir purs. Nous allons donc commencer par la base, c'est-à-dire ci-là la moralité. Nous allons ensuite pouvoir développer la concentration et enfin la compréhension. Donc nous respectons les préceptes moraux, nous respectons ci-là. Mais il est possible que notre esprit soit constamment envahi par des négativités, comme par exemple de l'avidité, des intentions malveillantes, de la colère. Toutes sortes de choses négatives peuvent apparaître dans l'esprit. Il est donc nécessaire que nous allions plus loin dans notre entraînement et que nous développions la concentration de façon à calmer l'esprit et évacuer de l'esprit ces intentions négatives. Pour développer la concentration, c'est la pratique de base, les instructions de base. En posture assise, on demande aux méditants d'observer attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il doit essayer d'observer ces deux mouvements de façon continue. mais malgré ses efforts, il doit bien constater que son esprit s'envole souvent. Il est très souvent distrait. Ceci est dû au fait que l'attention et la concentration ne sont pas encore développées. Il doit alors poursuivre son effort et persévérer en ramenant chaque fois son attention sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Nous devons fournir cet effort. Nous devons essayer de faire l'effort de maintenir notre attention de façon continue sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Au début, nous ne comprendrons pas encore très bien la nature de ces phénomènes. Mais il y aura déjà un grand bénéfice, en ce sens que l'esprit ne vagabondera plus. Chaque fois que nous ferons l'effort d'être attentif à ces deux mouvements, notre esprit va rester sur ces deux mouvements et l'attention va se développer. On n'insistera jamais assez sur le fait que le méditant doit persévérer dans son effort. Il doit continuer à essayer de maintenir son esprit sur ces deux mouvements, même si c'est difficile et qu'il a le sentiment de ne pas progresser. Donc, il ne s'agit pas seulement de faire l'effort d'être attentif, il faut également que l'esprit atteigne l'objet. Il doit s'y maintenir du début à la fin. Donc, il faut non seulement fournir l'effort, mais également réussir à appliquer l'esprit à l'objet. Nous devons fournir cet effort et appliquer notre esprit à l'objet dans l'instant présent. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage dans le temps. Il ne faut pas que l'application de l'esprit à l'objet se fasse avant que l'objet ne soit apparu ou après qu'il ait disparu. S'il y a des pensées, on doit procéder de la même façon, on doit en prendre conscience dans l'instant présent et ramener tout de suite l'esprit à l'abdomen. Nous devons donc fournir cet effort. Plus nous le fournirons, plus notre attention va se développer. Si l'attention se développe, la concentration suit et se développe également, et le méditant va pouvoir expérimenter les bénéfices de cette pratique attentive. Ce soir, je vous ai parlé de la protection interne. Puissiez-vous tous, vous qui êtes venus ici, qui avez fait l'effort de vous engager dans cette retraite, puissiez-vous tous pratiquer de façon intensive et réussir à établir en vous cette protection et à vous sentir en sécurité, finalement atteindre Nibbana. So tonight I have tried to talk about internal protection, and I hope that all of you, by practicing, taking the time to come here and practice meditation intensively, that you will be able to develop protection in your lives and reach the highest goal, Nibbana. Sound.